Chapitre 5e. Monsieur Pépin, comme on le sait, prenait tous les matins le tramway de 9 heures pour se rendre au Père-Lachaise. Si absorbé qu'il fût par ses pensées intimes, de temps en temps il jetait un coup d'œil sur ses compagnons de route, heureux de les voir s'intéresser discrètement, par des mines sympathiques, à l'accablement moral qu'il laissait paraître sans fausse honte, un désespoir bien porté ne pouvant que rehausser une créature mortelle dans l'esprit public. Il eut donc l'occasion de remarquer une jeune femme qui, tous les jours, prenait place dans un coin en face de lui. Vêtue d'un deuil sévère, le visage pâli, les yeux fatigués par les pleurs, mais doux et profonds, des cheveux blonds foisonnant sous la petite capote de crêpe, la taille élégante, elle semblait âgée d'environ 30 ans. Le noir lui seyait délicieusement car elle était grassouillette à point. Son air décent, ses manières distinguées, son attitude alanguie touchèrent M. Pépin. Il pensa qu'elle aussi avait dû perdre un être aimé, son mari sans doute, et il compatit à ses douleurs blondes qui s'harmoniaient avec la sienne. Au bout d'une quinzaine, il crut devoir saluer par politesse sa voisine. Elle lui répondit d'un signe de tête triste et gracieux. Deux chagrins de sexe différents ne sauraient créer une rivalité, et ceux-ci se comprirent. Monsieur Pépin, un jour, ayant oublié son porte-monnaie, elle lui prêta 6 sous, qu'il lui rendit le lendemain dans une toute petite enveloppe. Dès lors, ils se parlaient régulièrement avec une navrance digne, les vêtements noirs leur inspirant toute confiance dans la pureté de leurs pensées réciproques. Arrivé à la porte du cimetière, il lui offrait la main pour l'aider à descendre de la voiture, la saluait cérémonieusement et la laissait entrer la première dans la grande voie qui conduit à la chapelle. Elle montait plus vite que lui de sorte qu'il pouvait la suivre des yeux sans qu'elle s'en troublât. D'ailleurs, il savait bien qu'il ne pensait qu'à Élisabeth. Et ce qui l'intéressait dans cet inconnu, c'était son deuil douloureux, frère du sien. Au sommet, elle disparaissait vers la droite, dans une petite allée tournante. Alors, il tirait à gauche, portait à la tombe d'Élisabeth son tribut quotidien d'affliction et de regret, et tout à son devoir, oubliait jusqu'au lendemain la jeune femme, dont les yeux clairs couleur de pluie et les cheveux dorés couleur de soleil symbolisaient l'orage qui avait passé dans sa vie. Un matin, il la vit plus pâle et plus désolée encore, tenant à la main une gerbe de lilas blanc. En sa qualité d'âme blessée, M. Pépin était devenu très sensitif. Il devina un anniversaire cruel et fut ému. Sa voisine paraissait près de défaillir. Cette fois, il dut la prendre presque dans ses bras, au sortir du tramway, et il la soutint pendant la montée. Parvenu au fait, il ne put se résoudre à l'abandonner dans cet état et lui dit ces simples mots « Vous souffrez ». Permettez-moi de vous assister jusque-là. Nous le pleurons ensemble. Vous êtes bon, répondit-elle. Merci, venez. Et il la suivit dans la petite allée tournante, avec une pitié réelle et une curiosité sympathique. Il s'était chargé du bouquet de lilas, dont la tige humide mouillait ses gants. L'allée était longue et tout en marchant, après s'être demandé pourquoi les tombes des gens qu'on connaît sont toujours situées à l'extrémité des cimetières, il lisait des noms sur les pierres et les colonnes, noms accompagnés de titres plus ou moins pompeux, qui prouvaient que l'orgueil humain ne s'étend pas avec l'existence. Il admirait aussi des statues et des bas-reliefs, produits de souscriptions confraternelles érigées à la mémoire d'hommes célèbres, par ceux-mêmes qui n'auraient cessé de les décrier pendant le cours de leur carrière. Les nécropoles sont fertiles en enseignement. L'étude en est aisée, il suffit de savoir lire. La belle affligée s'arrêta devant une sépulture modeste, mais bien entretenue, portant l'inscription suivante. Achille Pomme, pharmacien de première classe, officier d'académie, 1857-1904. Elle épousta soigneusement la pierre, projeta sans pitié sur les tombes voisines les feuilles jaunies dont le vent avait parsemé la dernière demeure d'un mari adoré, démontrant ainsi que les qualités natives ne se perdent jamais et qu'elle était une bonne petite veuve de ménage. Après quoi, tout étant propre et en ordre, elle disposa gracieusement en biais la gerbe de lilas et put se livrer enfin à sa douleur. M. Pépin, debout à côté d'elle, la tête découverte et inclinée avec recueillement, essuyait ses gants avec son mouchoir. Il ne regrettait pas qu'Achille Pomme fût mort, mais il lui savait gré d'avoir été de son vivant un homme de première classe, comme tous ses confrères d'ailleurs, un homme établi, laborieux et décoré, plutôt qu'un de ces artistes ou littérateurs qu'il méprisait, lui, propriétaire et rentier, depuis sa naissance. Il était satisfait que sa sympathie ne se fût pas égarée, et il décréta que le chagrin de Madame Pomme était légitime. Quand elle eut terminé ses dévotions, il la releva, paternel et affectueux. En revenant, elle lui raconta sa vie. Elle avait fait un mariage d'inclination. Achille et elle vécurent 10 années exquises, heureux comme les princes des contes de fées, à cela près qu'ils n'avaient pas eu d'enfants. Monsieur Pépin eut le bon goût de ne pas s'informer si la cause venait d'elle ou d'Achille. Un jour, l'infortuné pharmacien s'étant empoisonné en avalant par mégarde, au lieu d'un sirop pour le rhume, une potion qu'il avait préparée lui-même pour une jeune accouchée. Sa dernière parole avait été héroïque. « Ne me pleure pas, Sylvie, » avait-il dit, « je me suis trompé de bocal. » Dieu et nous ne devons pas être distraits. Il est juste que je meure à la place de la cliente. L'honneur est sauf. Elle avait donc pu vendre assez bien le fonds de commerce et vivait modestement de 7 000 francs de rente provenant de sa dot et de leurs économies. C'est par cette confidence que M. Pépin apprit que la jeune femme s'appelait Sylvie. Il eût jugé futile et déplacé de lui demander son nom de baptême, mais il n'était pas fâché de le connaître et il n'aurait pas osé l'espérer aussi poétique. Tout en s'extasiant sur la beauté du trépas d'Achille, il se sentait cependant un peu gêné, comme tous les gens qui subissent la hantise d'une obsession malencontreuse. En effet, ce nom de Sylvie lui rappelait obstinément la fameuse romance « Plaisir d'amour », et pendant que sa compagne lui décrivait dans les plus infimes détails l'agonie de l'époux de son choix, il ne pouvait s'empêcher de chantonner, très en dedans, à la vérité. « Tant que cette eau coulera doucement, je t'aimerai », me répétait Sylvie. Très agacé, il jugeait sa distraction ridicule et même indécente en la circonstance. Rien n'y faisait. L'eau coule encore, elle a changé pourtant. Ce verre arriva entre ses lèvres juste au moment où la jolie blonde lui annonçait sa volonté formelle de consacrer le reste de ses jours à pleurer le pharmacien bien-aimé mort au champ d'honneur. Il eut l'impression fugitive, mais nette, que Madame Pomme était trop jeune et trop séduisante pour jouer les Artémise, et il se sentit quelque fierté en songeant que son chagrin à lui, homme presque mûr, était d'une trempe plus solide et qu'Élisabeth pouvait dormir tranquille dans la 5e avenue numéro 18. Monsieur Pépin n'était pas d'un caractère à accepter une politesse, surtout d'une femme, sans la rendre, et largement. C'est dire que le lendemain, il conduisit Madame Pomme à la sépulture d'Élisabeth. Monsieur Pépin étant riche, possédait une chapelle gothique dont le marbrier avait atténué la sévérité par quelques ornements Louis XVI et des peintures modernes style. L'intérieur était confortable et un prie-Dieu permettait de s'y asseoir. Il fit les honneurs de son sépulcre en homme du monde affligé naturellement, et ce fut au tour de Sylvie de lui prodiguer des consolations très douces. Elle sut même, avec une délicatesse toute féminine, enlever de ci de là quelques grains de poussière et remettre à l'alignement des vases de verre colorés imitant la porcelaine. Tout était calme alentour, et rien ne vint troubler cette heure d'effusion intime et idéale. Il semblait que ce petit sanctuaire fût une garçonnière pour âme et que les leurs s'y rencontrassent avec l'émotion d'un premier rendez-vous. Mais il ne s'agissait pas ici de M. Pépin et de Mme Pomme, et il ne s'occupait que des chers disparus, car Élisabeth était là, à l'étage inférieur, et en pensée, ils avaient invité Achille. Tous deux pleuraient. Elle lui tendit une petite main souple qu'il tint quelque temps serrée. Ce jour-là, ils ne prièrent pas plus avant. Comme une idente s'il eût été appelé à chanter l'enfer de leur veuvage, pavé, bien plus que l'autre, de bonnes intentions.